Ici Stanley, vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'avenir. Podcast des productions audio des éditions de l'avenir. Christian Martin au microphone. Mille merci à Stanley pour le petit mot d'introduction. Stanley est un très talentueux interprète et je suis toujours très heureux de le retrouver parmi nous. Vous le retrouverez également chez audiocité.net et littératureaudio.com. Bon, j'aimerais vous dire, si cette émission est la première que vous entendez, je vous suggère fortement de vous rendre au site qui héberge nos podcasts à www.gcast.com /user /terran932 /podcast /main /main. Et de télécharger les trois émissions précédentes, car celle-ci vous présente la quatrième et avant-dernière partie de Carl et Novi, complot sur Alpa. La semaine dernière, nous avons laissé Carl et Chara au moment où cette dernière allait tenter de s'introduire clandestinement dans le complexe de recherche du Jolet. Et sans plus attendre, la quatrième partie de Carl et Novi, complot sur Alpa. Les éditions de l'avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl et Novi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Chapitre 9. Branle-bas dans le complexe. Sur 5, Chara. Je me dirige vers la pointe sud, comme convenu. Tu es encore loin du dôme de l'administration? Non, j'y arrive. Ça va, Chara? Oui, j'ai contourné le dôme de l'administration. Je me dirige vers le dôme de génétique. La neige est épaisse? Oui. Prends ton temps, ménage tes forces. Plus vite j'y serai, plus vite nous retrouvons nos bébés. Tu marques un point, mais sois quand même prudente. Ce n'est pas une raison pour se jeter droit dans la gueule du grognon. J'y suis. Que fais-tu, Chara? Arrête de balotter ta lampe, tu me donnes mal au cœur. Chut. C'est mieux, merci. C'est quoi cette chose grise que j'aperçois? Une partie.

Maintenant. Mais Chara ne m'a pas suivi? Que fait-elle encore? Qu'est-ce que tu fais? Elle va nous échapper. Pas de danger. J'ai placé un localisateur dans une de ses valises. Et voilà pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour la conclusion de l'aventure. Les interprètes pour cette quatrième partie, Ezwa dans le rôle de Carl, Florence dans le rôle de Chara, Claude Kouvoufarchi dans le rôle d'Hélène Marche, Amy dans le rôle de la jante de la sécurité, Pierre dans le rôle du barbu, Bernard dans le rôle du prof informatique et moi-même à la narration. L'histoire et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. L'enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2009 des Éditions de l'Avenir. Ne manquez pas de venir nous visiter sur notre blog à l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.